Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Par derrière chez mon père, il y a un panidou, il y a un panidou. Les trois filles d'un pain sont endormies dessous. Ah, les trois filles d'un prince sont endormies dessous, sont endormies dessous. La plus jeune se réveille, dit ma soeur, il est jour. Ah, j'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'orangerie, j'ai du gilet, j'ai du tricolis. La plus jeune se réveille, dit ma soeur, il est jour, dit ma soeur, il est jour. Non, ce n'est qu'une étoile qui éclaire nos amours. Ah, oh, j'ai du grain de riz, j'ai du grain de paille, j'ai de l'orangerie, j'ai du trier, j'ai du tricolis, j'ai des allumettes et j'ai des ananas, des bières à fusil, de la guitarie, j'ai du zir, j'ai du zir. J'ai de beaux oiseaux, bip, bip, bip. Non, ce n'est qu'une étoile qui éclaire nos amours, qui éclaire nos amours. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous. Ah, ah, j'ai du grain de bio, j'ai du grain de paille, j'ai de l'oranger, j'ai du trier, j'ai du tricoli. J'ai des allumettes, j'ai des ananas, des bières à fusil, de l'hypnerie, j'ai du zié, j'ai des ananas, j'ai des ananas, j'ai des ananas, j'ai de beaux oiseaux. Nos amants sont en guerre, ils combattent pour nous, ils combattent pour nous. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours. S'ils gagnent la bataille, ils auront nos amours, ils auront nos amours. Qu'ils perdent ou qu'ils gagnent, ils les auront toujours. J'ai du grain de mie, j'ai du grain de paille, j'ai de l'orange, j'ai du trier, j'ai du tricolier, j'ai des allumettes, j'ai des ananas, des pierres à fusil, de l'orier fleuri. J'ai du zié, j'ai des ananas, j'ai des ananas, j'ai des ananas, j'ai de beaux, j'ai de beaux. Excusez-moi. Monsieur Gagné vient de terminer sa lobotomie. Non, non, non, c'est fait depuis 2 ans et demi. Hein, 2 ans et demi, déjà? Déjà. J'ai eu ma lobotomie il y a 2 ans et demi. Et demi? C'est toujours des ennemis. Devant le scalpel. Le couteau. Qui est un ami du couteau? Le cuisinier? Ah, ça, c'est... bravo. Monsieur, là, pourquoi? Parce que dans la chair de l'animal... Un homme est un animal. Ça fait de l'effet, hein? Oui, hein, vous êtes mêlés. Oui, OK. Là, c'est bien. Quand tu sais pas comment conclure, c'est oui ou non. Pars pas dans des phrases, dans des élucubrations. Ça commence bien, ça commence très bien, des élucubrations. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry a demandé ce soir. Eh bien, moi, excuse-moi, je suis l'accessoiriste. nous avons qu'un seul mouton, puis c'est pas un vrai animal. Comment ça, c'est pas un vrai animal? Non, c'est un faux. Parce que normalement, quand c'est pas un vrai, c'est un innocent. Oui. Un colporteur, un double jeu. Hey, c'est pas le véritable jeu, ça, c'est un double jeu, une double face. On les connaît, les doubles faces, on va les nommer. Ben, vas-y, commence. Oui, c'est qui? Ben, c'est lui, là! On n'a même pas le nommé, on le connaît. Tout le monde connaît. Hey, on visualise, ça, c'est fort, là. Hein? C'est même pas projeté sur une surface lumineuse. C'est même pas proposé par tout le monde, c'est simplement dans notre tête. On se fait une idée de tout, de la vie. C'est lorsque je me lève le matin, oui, que je me prends mon bol, votre bol, mon bol de céréales, OK, et que je mets quelque chose dans mon bol de céréales. Qu'est-ce que vous mettez? Des céréales, OK, puis après, moi, là-dessus, je suis très excentrique. Oui, je verse du lait. Mais tout le monde fait ça, du lait. Moi, j'ai pas vu Oui, mais attention, moi. C'est du lait en poudre. Oh! Avec des céréales. Des céréales. Lesquelles? Très sec. Oui, c'est des céréales. Sec. Du lait en poudre. Sec. Pourquoi? Pour souffrir. Pourquoi vous voulez souffrir? Pour aller au ciel. Oh! Parce que si tu souffres pas en bas, là, tu n'auras jamais en haut. T'as jamais étudié ça dans ton catéchisme. Catéchisme font 6, 12, 24. Catéchisme 24, ben oui. Hey, t'es un fort. Moi, je suis très fort. Moi, là, regarde, amène-moi-en des chiffres. 3, 4, 8, 17. Hey, c'est moignon, donc. 2, 1, 3, 23. 1, 472. Et, monsieur... 000, c'est moi! Hey! T'as une belle perception de toi-même? Ben, écoute, je tiens à le dire, ben tiens-le, je le tiens, puis je vais le dire! Ben, là, dans les deux cas, là, vas-y, exprime-toi! Ça va très bien. Et vous, public, hein, c'est un très beau vendredi qui s'ouvre à nous. Ça, c'est quoi? C'est une porte qui s'ouvre? C'est le vendredi qui s'ouvre. Oh! Un vendredi qui s'ouvre, c'est comme une jartelle qui claque. Hey, la jartelle. Y a-tu encore du monde, des filles, quoi, que des travelots, des drag queens qui portent? Ouais, plutôt du côté gars là, qui se déguisent, là. Mais les vraies filles, ben, excusez-moi, les gars qui se déguisent, vous êtes des vraies filles, là. On vous applaudit, on vous embrasse, bon. Comment? Raymond, tu. OK, t'embrasses pas ce monde-là. Bon, OK, moi, j'ai aucun problème là-dessus, OK? Parce que ce sont des. Les êtres humains, ils ont des sensations, ils ont des perceptions, ils comprennent des affaires, puis ils ont des choses à dire. Puis à travers tout ça, là, il y a un langage qui s'exprime. Il y a une compréhension. Il y a surtout comment une démarche. Merci, madame. Une démarche. Toi, t'es trop commun, t'es trop porté sur le conformisme. Quand on. Regarde, quand je lève le doigt le soir, là, hein, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, baisse-le. Ben oui, baisse-le. Ouais, qu'est-ce que ça fait? Ben, ils vont t'en commander une autre. Ben, c'est vrai. Ouais, mais c'est parce que j'ai de l'arthrite du doigt du bar. Ouais. Quand je vais dans un bar, j'ai toujours le doigt levé. Même si j'ai pas une maudite scène, j'ai le doigt levé. Là, je me dis, à un moment donné, il va même se rendre compte que je peux plus rien faire. J'ai plus les moyens financiers de contempler toute cette table qui... Hey, moi, là... Mais moi, je suis pas limité. Il y a une table au début, dans le bar. Petite table carrée, là, comme on les connaît, dans les bistrots. Dans les bistrots qu'il y a femmes, il y a que trop de femmes. Non, mais il y a des petites tables très, très petites. Tu dis, voyons donc, c'est pourquoi? C'est pour un homme solitaire qui est anorexique. Moi, je prends pas beaucoup de place, moi. Oh, je vais très bien dans cet univers-là. Voyons donc, mets-moi 4-5 tables, là, des gros chaises, on va m'appuyer, oh, ouais, on y va. C'est pas ça, là. C'est des petites chaises, tout petites, petites tables, tout petites. Oh, mon Dieu. Madame, je vais vous commander un verre d'eau. Un petit verre d'eau, parce que j'ai une petite table. Non, mettez pas la petite chandelle, il n'y aura pas assez de place. Merci. Petit verre d'eau arrive. Tu bois ton petit verre d'eau. Madame, il était très bon, votre verre d'eau. Ben, merci. C'est, ça vient de quel océan? C'est très lent avant d'arriver ici. Là. C'est filtré 95 fois. Ben, voyons donc, vous, là. Ben, oui. C'est pour ça que ça coûte 250$. Mon verre d'eau. Votre verre d'eau. Ben, voyons donc. Je pense pas que c'était gratis. Il n'y a rien de gratis, c'est. Ah, ben, ouais, je me suis mis dans les frais. Voulez-vous appeler la police? Qui? Appeler la police. Appeler la police? Ben, jamais je pourrais payer ça. Là. En fait, je m'ouvrais l'appétit pour prendre une petite bière. Ben oui, mais là, si vous êtes incapable de payer votre verre d'eau, mais. Hé, hey, madame, je pense que je suis pas un touriste, moi, là. Je suis de la ville de Québec. Je suis un Québécois. Regardez, là, sur le front, là. Levez le toupette. Hey, elle lève le toupette. Elle entend. Québécois, nous sommes Québécois. Ah oh, non, pas un vrai, un pur, un carré là, là-dedans, un carré, un tricoté serré. Sur le tricoté serré, madame, j'ai écrit un texte parce que je suis aussi un poète. Ah, j'ai tous les défauts du monde. Tous les gros défauts, là, c'est moi qui les ai. Ah, je suis carnivore, heureux. Je cours après mon bœuf. Moi, viens-t'en, douloulou, mon nom arrive. Hey, le bœuf se promenait tranquille. Là. Il mangeait du foin. Non, ça mange de l'herbe. Hein? Ah, mon ancien coloc, lui, il en mangeait pas. Il en fumait. Lui. Ah ouais, mais ça, c'est une autre histoire. Ah, okay, excuse-moi, je suis mêlé. Là. Pas facile, la vie. Mais surtout ce soir. C'est vrai, hein? On galope fort. On galope très, très fort. Dans le 4 degrés. 4, quoi? Dans le 4 degrés. 4 degrés. Dans la forcitude. Hey, wow. Ça n'existe pas, ce mot-là, forcitude. T'as entièrement raison. Je m'en excuse infiniment. Comment ça va, toi, mon frère? Moi, ça va bien. T'as-tu assez d'argent pour payer ton verre d'eau? Non. Écoute, ça tombe très bien. Dans la cuisine, on a beaucoup de verres à faire laver. Et puis? Ben, puis si t'as pas d'argent, ben, tu peux laver les verres. Laver les verres. Les verres, là, pour boire, pour regarder, je sais pas, pour regarder l'enveloppe. Non, c'est pas l'enveloppe, c'est quoi? La culotte. Non, c'est la robe. La robe, la culotte. Hey, moi, je suis un dégustateur de vin, je regarde la culotte, là, la belle culotte. Oh, elle est fondue au 3e degré. Oh, putain. Non. Excusez-moi. Regardez la culotte. Je suis un connard, première dame. Mec, tu fais partie de quel organisme? Les bretelles joufflues. Pardon? Les bretelles joufflues. Les bretelles joufflues? Exactement. ou les oreilles souriantes. Quoi? Les oreilles souriantes. On l'a compris, hein? On peut dire... On capte, on a... Là, non, écoute, les micros, coûtez quoi, 3 500$, t'as marre, hein, si ça peut pas capter au moins de toi, hein? Bon. Et puis, tu fais partie de quel organisme? Les bretelles joufflues ou les orteils? C'est pas les orteils, c'est les oreilles! Ah, oreilles, orteils, peu importe. Peu importe si elle m'aime, je me fous de ma prothèse dentaire amovible. Hey, petite Pierre, faut pas dire de ma prothèse dentaire amovible. Elle a dit de mon dentier. Ben oui, mais un dentier, c'est quoi? C'est une prothèse dentaire amovible. Oui, mais c'est pas cette prothèse-là qu'elle voulait dire. C'est un texte poétique. Là. Le monde entier. Tout le monde. Le monde entier. Pas monde entier. Un dentier, c'est pas. Il n'y a pas de dents là-dedans. Là. Il y a des gens. Des gens. Beaucoup de gens, ça protège des gens. Ah, qu'est-ce qui protège des gens? Les condoms? Ah, les condoms protègent les gens. Ah, mon Dieu. Alors, tu fais quoi? On le fait-tu demain, ce soir, après-demain, la semaine prochaine? Je sais pas. Le gars l'a pas. Non, c'est quoi? C'est Locolocas. Ah, ça, c'est un groupe rap qu'on aime, qu'on embrasse et qu'on remercie infiniment. Et peut-être eux autres n'aimeraient pas ça se faire infiniment remercier par toi. On met ça en suspens. Ah non, c'est pas mis dans l'oreille d'un troubadour. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, cathodiques, aujourd'hui c'est cathodique. Plus personne n'est catholique, tout le monde est cathodique, tant pis. Mesdames les voluptés, ben, je me sens comme Arta. Arta de tout son kit. Qui? Arta de tout son kit. Oh mon Dieu, la belle! Mesdames les voluptés, hey, je ronronne comme le canari. Excuse-moi, mon insignifiant, mais un canari, là, ça fait pas ça. Qu'est-ce que ça fait un canari? Ça fait pute, pute, pute. Ah mon Dieu, sa troisième avenue, ça fait pute, pute, pute sur mon type. Mais c'est que pute, pute, pute, j'en cherche longtemps. Pute, pute, pute sur mon type. Mais c'est... En parlant de ça, il y a un client hier qui me dit, « Hey, pas facile de travailler à Limoilou, hein? Oh, quartier assez spécial ici, hein? » Là, il voulait me faire parler, là. Je sentais le projo, là. La lumière m'arrivait au visage. Il dit, ah oh, oui, hey, ça roule ici. Là, il voulait m'entendre dire, ben oui, c'est le quartier de la prostitution, des junkies, des vendeurs de drogue. Mais bon. C'est le discours que j'ai balancé au mec, quoi. Il m'attendait. Il m'attendait. Son ciel était plus glacé que l'hiver. Puis là, il me dit, hey, où est-ce qu'ils sont les putes? J'en vois plus de putes. Là, jusqu'au 31 mars 2014. L'errant va pouvoir vous diriger vers de la prostitution. Pardon? Non, non, la prostitution poétique. Celle qui est cachée, là. On a enlevé, vous souvenez, mon ami, les nerfs à vif. Non, c'est Naked Lunch. Ah oui, c'est vrai, ça a été enlevé sur le marché. Ben oui, le marché n'était pas capable. Ils l'ont censuré. Moi, regarde, tu me dis quel livre poétique que tu veux, censuré. Là, même si vous voulez pas, même si on se le cache pas, puis même on voudrait pas l'avoir, on l'a ici ce soir. Là. On a tout ce qui est interdit, puisque comment t'appelles ça, le double... Madame, faites-moi des signes, là. Le double quoi? Le double tour, madame, le double tour, c'est pas ça. Il y a aucune cachotterie. Puis lui, ce qu'il voulait savoir, c'est où se trouvaient les filles de joie. Je vais mentionner l'endroit. Pas parce que je les connais, là. Parce que je me doute que, là, selon mon flair, j'ai un pif. Regardez-moi le pif, là. Hey, il a le pif. Il a très beau, très beau, très gros. Très beau, très gros, très chaud. Il y a du soleil chez mon voisin. À partir du 31 mars, là, il n'y aura plus de GPS là-dessus. Ce sera terminé. Monsieur le Président, alors vous allez être obligé de faire ça d'une manière solennelle. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui enlève le sauveur. Limoilou à genoux. T'es un malade. Attendez, non. Tressaillé, comme le public va regarder dans le dictionnaire. Tressaillé, très, tressaillé, très, très. Mets des tresses à tressailler. Plus tu tresses, plus c'est tressaillé. T-R-E-S-R-E-C-C-I-I-I-I-I-I, tressaillé. Ça, c'est Brigitte Bardot, les yéyés, là. C'est le temps du yé-yé-yé-yé. Ah, ben, non, ça, c'est Gainsbourg. Alors, Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques et cathodiques, Madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes pudiques, bienvenue à l'émission de variété. Hein, Kiki? Kiki? De variété, Kiki. Indépendante, francophone, errance rénaldienne. On est déjà en retard. L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront te chercher, vous chercher, pour éditer votre entité à volonté. On ne l'a dit pas, celle-là, on n'a pas le temps. Celle-là non plus. Rénal, maintenant, prends ton micro et proclame la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle en ce beau 7 mars, c'est la suivante. Aujourd'hui, le vendredi 7 mars 2014, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref. Apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Quotidien, quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'homme aux mille personnages, Philippe Say. Philippe est un comédien, improvisateur, formateur, metteur en scène et chanteur à 16 heures. C'est un gourmand qui fonctionne au coup de cœur. Cofondateur en 91 de la ligne d'improvisation lyonnaise, la LIL, il est le directeur artistique durant 5 années et quitte en 2003. Avec l'équipe de France d'impro, il remporte le championnat du monde en 2001. On les a laissés gagner. Je répète, on les a laissés gagner. J'ai parlé au groupe de Québec. Là, oh, mais ouais, c'est des Français, putain, là, on n'a rien compris. Il faut les reparler. Le coup de la vie, il y a plus de Français là-bas. Alors, si on va là-bas, on les fait laisser gagner ici. Ben, bon. Et puis, donc, ah, chou, chou, tirez pas vos claques. Pas de claques. Jeu des Tibets. Donc, avec l'équipe, on l'a dit, il met en scène des textes de Israël Horovitz, Woody Allen, Jean Tardieu, Eugène Ionesco, Tchekhov et Boris Vian. En juillet 2013, Errance Rinaldienne se trouverait là, à Paris, pour rencontrer cet être exceptionnel. La preuve, la musique nous sera présentée dans quelques secondes et mon ami Philippe suivra le tout. Et Toto y a dit ton papa. Il est pas là, papa. Et Toto y a dit ta maman. Il est pas là, maman. Et Toto y a dit ton pépé. Il est pas là, pépé. Et Toto y a dit ta mémé. Il est pas. Et Toto y a dit ton tonton. Il est pas. Et Toto y a dit ta tata. Il est pas. S'il n'y a pas ni ton tonton ni ta tata, etc. À quel bonheur je viens voir ta sœur. Oui. Car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus ceci, cela, et la plus, et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, tiens la voilà. Salut. Ouais. Je ne t'ai pas apporté de fleurs. Ça ne m'étonne pas. Et me voilà avec mon cœur. Ça ne m'étonne pas. Et aussi avec mon scooter. Ça ne m'étonne pas. Tous deux ne battent que pour toi. Tic-tac, tic-tac. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Bah les pattes, bah les pattes. Laisse-moi te faire un bisou là. Bah pas les pattes, non mais oh. Oh la vilaine, si c'est comme ça, je vais voir ta bonne, la belle Irma, et je l'emmène au cinéma. Là, car c'est bien la plus belle, la plus sensationnelle, la plus ceci, cela, et la plus, et tout ça. Je sais pas si tu te rends compte, mais dès qu'on la rencontre, on se dit oulala, oulala, tiens la voilà. Salut, Irma. Tu viens au cinéma ? Non. Tu viens pas au cinéma ? Non. Toi non plus, tu viens pas au cinéma ? Non plus. Mais avec qui je vais aller au cinéma, moi ? Du beau Léon, il va peut-être canner Léon. Il a du beau Léon. Au pauvre Léon. D'abord il s'appelle pas Léon, mais je me souviens plus de son nom. Je peux pourtant pas l'appeler Hortense. Et puis ça n'a pas d'importance. Eh ouais, merde. Il a du beau Léon, il porte un bandeau Léon. Il a du beau Léon. Au pauvre Léon. On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort. Oh. Bah, nous, on le voit écrit souvent, mais c'est de moins en moins efficient, quoi. Ouais, bienveillance, tolérance. Si tu étais un aliment. Un animal ? Non, un aliment. Ah, un aliment. Une fois sur deux. À chaque fois que je le dis, c'est une fois sur deux, c'est bon. La pizza. Je suis un bouffeur de pizza. Quelle pizza? Oh, plein de pizzas différentes, mais j'aime bien les pizzas orientales. Ok. Je m'appelle Saïd, hein, je suis pas durant. Donc, ah ouais, ouais, d'où vient Saïd? C'est un peu compliqué. Ma mère, qui s'appelait pas Saïd avant de se marier, forcément, était de Dijon. Donc une bonne bourguignonne française, bien du terroir. Et mon père était de Constantine en Algérie. Toute la famille du côté de mon père. Et cette famille-là, du côté de mon père, est d'origine de... originaire de l'île de Malte. Ok. Alors, Saïd, on le trouve comme prénom beaucoup au Maghreb, mais comme nom de famille, c'est plus au Moyen-Orient. Jusqu'à mon arrière-grand-père, ils étaient tous catholiques. Et j'ai pas pu remonter avant, parce qu'il y a des archives qui se sont perdues. Je pense qu'à l'origine, c'est ou des juifs convertis, ou des arabes, forcément, parce que Saïd, c'est pas catholique comme nom. Et ça veut dire le bienheureux en arabe, donc je suis content. Le bienheureux. Ouais. As-tu vu Alexandre le Bienheureux? Ah ouais. Okay. Je suis fan de Pierre Richard, c'est un grand. Non, grand c'est Philippe Noiret. Alexandre le Bienheureux. T'as raison, parce que je pense à. Non, il y a Pierre Richard aussi. Ah oui, quel rôle de... Il est tout jeune. Bah, il fait un de ses copains qui vient le voir, je le vois, moi, en train de marcher dans le pré. Parce qu'ils veulent absolument qu'il sorte de son lit pour machin. Et ils organisent un commando pour. Ok, ça se peut. Mais sais-tu qu'un des protagonistes le plus important du film, c'est le chien? C'est le chien, bien sûr. Ouais, okay. Et puis surtout, merci Buster Keaton, parce qu'ils ont tout repiqué. À, bon, oui, mais avec élégance. Avec talent et élégance. Puis moi, c'est Yves Robert qui avait celui-là. Oui. Mais Keaton avait fait un film comme ça, où on lui amenait tout. C'est vrai. Extraordinaire. Oui. J'ai grandi avec Keaton, avec les Marx Brothers. Ok. Et pour revenir, hein? Alors, on parlait bienheureux, Donc Saïd veut dire le bienheureux, donc je suis content. Okay. Voilà. Mais je suis catholique, alors voilà, d'origine maltaise. Et croyant? Non. Ok. Non, je suis baptisé, communié, confirmé, j'ai fait la totale. Et t'as pas décidé de... Non, j'ai pas décidé, mais à un moment, je me suis dit, ça me saoule, c'est pas mes valeurs. Quoi. C'est-à-dire que la Bible, c'est un super bouquin. C'est un très beau livre d'amour. J'ai du mal à croire en un dieu barbu et ça. Je crois en la terre, je crois en l'énergie, je crois en... Mais la Torah, c'est un beau livre aussi, je ne l'ai pas lu. Le Coran, j'en ai lu des passages, c'est un beau livre aussi, qui est tellement mal interprété aujourd'hui avec tous les extrémistes. Mais ça me fait rire parce qu'il y a tellement d'extrémistes catholiques, enfin chrétiens aussi, quoi. Ils sont partout les extrémistes. Bien sûr. Ce ne sont pas uniquement catholiques. Non, mais c'est mon dieu, lave plus blanc que le tien, quoi. Ce genre de truc m'énerve. Donc non, je suis croyant, je crois en l'énergie, vous voyez, je crois que la nature, elle en a un peu plein le dos de faire marcher sur la tête et qu'elle commence à dire stop, je suis là, bien sûr. On a un été de merde au Québec aussi, Bien sûr, partout. Pluie et... Puis la fonte des glaciers et tout ça, enfin c'est pas... Ouais. Les ours blancs tranquillement vont s'en aller. Les abeilles qui disparaissent. Oui, c'est vrai. Ah, bon. Et si tu étais, l'aliment c'est la pizza, si tu étais une saison? L'automne. Ok. As-tu déjà visité Québec à l'automne? Eh non, les deux fois que j'y suis allé, c'était pour le festival et j'y suis jamais allé en automne. Eh oui. Ok. Où il fait 40 degrés à Londres. Oui. Mais plus maintenant, là. Mais... Non, mais oui. L'année dernière, oui, c'est vrai. Non, puis en plus, j'ai plein de potes, moi, qui m'invitent. Sylvie Legault m'a dit, tu viens quand tu veux, La Roche, Luc, enfin, voilà, tous les anciens. Moi, qui sont mes premières références en impro au Québec. Et puis... Dire qu'on est devenu des amis, c'est peut-être un bien grand mot parce qu'on se voit pas assez souvent pour ça, mais là j'ai arbitré la LNI à Bordeaux là, pendant leur tournée parce qu'on les a pas eu à Paris. Diane m'a dit la même chose, le François m'a dit mais viens nous voir, viens quand tu veux, viens. As-tu déjà rencontré Robert Gravel? Jamais, c'est mon grand regret. As-tu vu des documents sur Robert Gravel? Bien sûr. Le documentaire qu'ils ont fait? Ah oui. Tu l'as vu? Ah oui, je l'ai vu. Incroyable, Et alors, ce qui est très curieux, c'est qu'il y a l'année où il est mort. Il y avait le premier festival d'impro à l'île d'Elbe, en Italie. Donc, on a passé pendant 10 jours. Le matin, on faisait de la plage. L'après-midi, des ateliers d'impro et le soir, des spectacles en plein air. Il y avait des Québécois, des Suisses, Français, Belges, Italiens, Argentins. Comédiens, musiciens et danseurs. 10 jours de trucs comme ça. Et c'est là où j'ai connu Yvon Leduc, qui était à l'époque avec Sophie de la Mirande. Donc je les ai connus là-bas et 2 ans de suite ça s'est fait ce festival et c'est à la fin du premier festival, la première année, 15 jours après qu'on ait fini le festival, Robert est mort, on a appris juste la fin. T'es grosse pis t'es belle, tu ressembles à Al Fock. Sur un glacier dentelle, dans le bed à de mon troc. Parqué dans le parking de Gina Truck Stop. Quelque chose ne fait signe que ça va être le top. Comment qu'on s'appelle? C'est-tu important? Je vais t'appeler Gisèle. Appelle-moi Gaëtan. Demain, je te laisse à Mirabel. Un avion t'attend. Moi, je descends au States. Puis le ciel, c'est maintenant. La souplesse de ta chair, mon esprit carnivore. Ta louange m'exaspère, ma pudeur s'évapore. J'ai mis mes doigts dans tes fesses, le country dans le prélat. Tu t'es pogné le pied dans le strap du criard. Grosse en même temps, just like my white western star monté sur un deux temps. Je vais shiner ton bumper, je vais te graisser par en dessous. Puis crois-moi, mon cœur, je vais le faire avec amour. Peut-être que je vais trop loin, c'est rien qu'une chanson. Je suis pas un crétin, j'aime à ma façon. Un trocœur, l'amour itinérant. Y'en a que ça écoeure. Moi, je trouve ça bon. Allez donc chez le diable si vous êtes pas con. le morceau qui vient est un morceau dédié à tous les gens qui sont en transit et qui cherchent l'âme sœur dans un pays qui n'est pas le leur. Ma che c'è la lumière tango, les musiciens du tango. Io sui du pays del tango, e io lo potrei danser, si, si, si, si. Io distingue una chiquita, non vorrei garnoir la vita, ma qu'avec un grasse esquisse, oui, elle m'a dit, io l'ai promise. Et pour pas manquer la danse, yo m'incline vers sa sœur, belle comme une contrebasse avec un chapeau à fleurs. Dialala de mi amor, dialala tu corazón, dialala de tu amor, dialala mi corazón. Après le tango, il y a une raspa, yo ne peux plus décoller les bras. Avec tous les poids de son corps dégarni, elles sont à pieds joints sur mes souliers vernis. Et yo n'ai jamais fini de danser dessous sa loi. Bientôt mes souliers vernis ne le sont pas plus que moi. Yo n'ai jamais eu d'essence, moi qui suis un argentin. Depuis que je suis en France, per l'amour, yo fais Tintin. Ça va quoi? Ma che revient lumière tango, et les musiciens résoutango. Soudain yo m'aperçois, si, que monte en moi un émoi, si, si, si, si. Un émoi qui grossit, grossit, ma cavalière aussi rose. Contre moi son beau corps tango, tango rythme du tango. Ma que là un beau collier, ma que voilà l'escalier. Ça nous monte au premier, les salons particuliers. Yolala de mi amor, yolala tu corazón, yolala de tu amor, yolala mi corazón. Et là, il nous fait la proposition, mais qu'elle me dit, vous êtes une grande polissonne. Ça voulait dire que j'avais la permission de lui procurer beaucoup de grands frissons. Il est montré tout mon savoir, la pépette qui monte, qui monte. Elle lui le pâte paillard, elle perroquet qui sanglote. La brouette japonaise, la marmite à tourniquet. Elle tourne de béarnais, elle derviche à grand braquet. La totale. Mais je me souviendrai tout le temps de ce tango Hamilton. Si, si, si, si. Allez. Moi, c'est marqué vraiment. Je venais de rencontrer le Duc et Gravel meurt 15 jours après. Ouais, c'est mon grand regret de ne pas avoir rencontré Gravel. Mais je prêche sa parole. Mais vraiment. Mais vraiment. Mais vraiment, parce que c'était pour moi, c'est un chercheur. Un audacieux, hein. Un audacieux, puis un chercheur au même titre que des, que je sais pas, que des Kazan, que des Mayakovsky, que des Grotowski, des Michael Tchekhov, tous ces gens-là. C'est des penseurs du théâtre, mais pas des théoriciens, Arthaud, c'est aussi, des praticiens. Arthaud, bien sûr. Le théâtre est son double. Oui. Oui, oui, oui, oui. Okay. Et puis Stanislavski, et puis. Ah ouais. Mais moi, j'adore transmettre. J'anime beaucoup d'ateliers, de stages. Je veux pas faire que ça parce que je suis acteur et je refuse certaines, mais t'as un plaisir trucs. Ah mais j'ai un vrai plaisir. Alors forcément, il s'est passé 30 ans depuis la création du match. Puis les choses ont évolué, mais. Alors t'as pas peur de dire que l'improvisation Gravel était l'investigateur lorsque tu enseignes. Ah surtout pas. Au contraire, je le revendique. Enfin, il a pas inventé l'impro. Hein. L'impro, ça vient des Grecs. Non. Mais le match. Oui. Et puis redéfinir les préceptes, c'est-à-dire les deux équipes. Hein, excuse-moi. Oui, Luc. Non, ça va, dis-moi. Ouais, j'ai adoré. Ouais, bah oui. Bah alors, j'ai discuté surtout avec Alexandre hier soir, figure-toi, après la projection, on est allé boire un coup au café en face. Bah, parce que je connaissais un peu Claire Amourou, en fait, je savais pas qu'elle était dans le film. Oui. Bah, elle l'a vu 5 fois, il paraît. Ouais. Voilà. Et je discutais avec Alex et il me dit mais en fait je te connais, je savais pas que c'est lui qui a fait le montage d'Angelus. Eh ben oui, parce que j'ai vu Pampuri moi à l'écran comment ça s'appelle, Un pays cannibale, ouais. Donc je lui dis voilà, parce qu'il disait, il a fait un petit discours à la fin du film. Mais je sais. Je lui dis c'est marrant parce que je vois Pampuri et tout. Puis je lui dis nous on a eu des problèmes un peu. Il dit ah bon t'as bossé avec quoi sur lui? Je lui dis Angelus. Il me dit ah ouais mais c'est là que je t'ai vu. Il me dit j'ai monté Angelus. Donc c'était très rigolo. Ouais, une belle équipe. C'est con. Oui c'est con. Oui. Si je l'avais dit à Sophie. Et je lui dis à Sophie qu'on devait y aller lundi, puis on y est allé hier finalement. Et puis j'ai discuté avec. Non, il n'y était pas, non. J'ai discuté pas mal avec le petit mec là, qui fait le Perchman, qui est extraordinaire, cet acteur. Ouais. On a bu des canons ensemble après. Et non, j'ai trouvé très très bien ce film, vraiment. Eh ben voilà, on s'est croisés, quoi. Oui. Oui, qui se passe dans une maison de retraite. Il me dit, je vais emmener des vieux. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'appelles vieux? C'est à partir de quel âge? Alors, il m'a dit 70 ans. Je lui dis, oh, merde. Oui, je me doute. Non, mais tu vois, je veux pas me pointer, taper l'incruste en disant, oh, t'as un rôle pour moi. En plus, c'est pas ma façon de faire, quoi. Ouais, c'est pas ma façon de faire, quoi. Mais j'ai eu un bon feeling quand je lui ai dit au revoir. Il m'a fait un bisou sur la main, donc j'en ai fait un aussi. Ouais. Mais ça. Non, c'est un chouette mec. J'ai plus discuté avec lui qu'avec Emmerich, mais c'est vraiment un chouette bonhomme, quoi. Voilà. Oui. Ouais. Non, je vais t'envoyer sa fiche. Il y a son mail, il y a tout dessus, c'est plus simple. Je lui dis de toute façon que tu allais la contacter puis lui envoyer ça. Donc je vais t'envoyer ça, c'est plus simple. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. En plus, on va mettre ça sur la télé, on va les voir bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Alors en plus, je peux mettre mon ordi, brancher mon ordi sur la télé, ouais. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, elle m'a dit qu'en plus elle avait parlé de toi au directeur d'agence et qu'a priori il te connaissait, quoi, il avait entendu parler de toi. Oui. Directeur de l'agence de pub, donc voilà, j'en sais rien. Elle m'a dit que quand elle a dit ton nom, le mec avait entendu parler de toi, quoi. Donc, c'est plutôt un bon point, ouais. Exactement, voilà. Mais je t'envoie tout ça là à l'instant. Mais je t'en prie. Ouais, toi aussi. Salut Luc. Excuse-moi. Pas de problème. T'as coupé quand même. Pardon? T'as coupé? Non, mais je fais du montage. Je me doute. Ça oui, moi secondes. Aussi, j'en doute. Come home, little baby, won't you come home? I'm feeling all alone. I'll do the cooking, darling, I'll pay the rent. I know I've done you wrong. Remember that rainy eve that I drove you out? Nothing but a fine to comb. I know I'm to blame. Well, ain't that a shame? Little Billy, won't you please come home? Yes, won't you come home, Little Billy? Won't you come home? I'm feeling awesome. Won't you come home, Little Billy? Won't you come home? I know about you. Yeah, won't you that rain? Won't you come home, Billy? I won't with nothing but a fine to come. I know I'm the man. Well, ain't that a shame? Little Billy, won't you please come home? Pourquoi qu'ils mettent pas de l'acide, man? Dans les barres de chocolat, on serait peut-être bien moins stupide, man. Serait toujours bien mieux que c'est là. Tu vois-tu le premier ministre? S'apercevoir qui s'attaque. Il pourrait enlever sur sa liste. C'est mon 10 hélicoptère de guerre. Tu vois-tu toutes les blasées qui se lamentent que la vie est plate, plate. Il pognerait-tu de quoi d'après toi? Quand ils boufferaient leur Kit Kat, pourquoi qu'ils mettent pas de l'acide, man? Dans les barres de chocolat, on serait peut-être bien moins timide, man. On parlerait d'autres choses comme nos chats, même si c'est pas grave, pis que ça blesse. Si ça se lève seul comme ça, ça chie dans le soleil, j'en reviens pas. C'est rien de valeur que ça parle pas. Si on était sa terre, parce que le bon Dieu a voulu ça, pogné dans son laboratoire, on n'est pas plus chanceux que des rats. Comme si on était tous des poires, on pense mûrir, on pourrit là. Ainsi, comment trouver l'espoir, hey, si on parlait chocolat? Pourquoi qu'ils mettent pas de l'acide, man? Chocolat! La vie serait claire et limpide, man. Tant que la mort battrait trop bas, on s'entend là-dessus. Et... Monsieur, bonjour. Hey, mon ami Grégoire Lacroix qui se posait comme question dans un livre qui s'appelait « Les euphorismes de Grégoire ». Où se posaient les hirondelles avant l'invention du téléphone? C'est une bonne question, ça! On n'a pas toujours eu de téléphone. Encore moins le cellulaire, elle est là aujourd'hui, les oiseaux, hein? On est sans fil, voyons! C'est le satellite! Je suis sûr que les petits oiseaux s'agrippent sur les soucoupes volantes. Puis quand les soucoupes manquent d'essence, ça fonctionne. J'ai jamais su si les soucoupes fonctionnaient à l'essence. Quoique les terriens, qui sont pas mal soucoupes, eux, fonctionnent à deux pattes. Ouais. Ouais, ça, c'est un peu la réalité, mais en haut, sur la calotte, peut-être. C'est une bonne réflexion, là, ce soir. On va peut-être élaborer un peu plus tard. Non, maintenant. Hein? S'il n'y a plus de ligne téléphonique, parce que de moins en moins d'individus... Oh, comme disait Claude. Non. Ben oui, mais il est vivant. Ben oui, j'ai pas dit qu'il était mort non plus. Voyons, vous là, vous êtes confluse. Mais là, il n'y en a plus de téléphone, ou presque plus. On est tout greffé sur rien, là, sur les ondes. Comme là, sur ce KRL, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils nous écoutent, puis ils font pic. OK, est-ce qu'on peut tenter d'ouvrir le son à l'extérieur? Allez, on y va. Raymond, ouvre-moi le son. On a le temps jusqu'à 6 heures du matin. Mets le micro, là, sur la 3 au coin de la 4, puis ouvre-moi le son. OK? On tend l'oreille. Il n'y a pas d'oiseaux. Ben non, mais là, à cette heure-là, il n'y en a pas, c'est le matin. Puis là, ils ont froid, ils font pic à l'intérieur des nids. Raymond, monte dans l'arbre puis essaye de mettre le micro dans le nid. Comment ça qu'il n'y a pas de nid? Comment ils la face? Hein? Il n'y a pas de nid. Oh. L'hiver, il n'y a pas de wawaron. De wawaron, c'est des grenouilles. C'est pas des oiseaux, ça, là. Tu te trompes. Tu peux jamais te tromper, toi. T'es scientifique. Eh, monsieur, ouais. Mais. Non, ben, t'es crédible, mon champion. C'est moi qui n'ai pas. Ouais. OK, ben écoute, on va continuer à écouter nos céréales. Ça fait cric crac croc, puis on va se dire que c'est des oiseaux. C'est quand même une bonne idée de M. Lacroix. Bravo. Là, où est-ce qu'il est mon sac de papier? Ah, il est ici. Je prends panique de rien depuis quelque temps, moi. Je me demandais, Rénal, qu'est-ce que tu veux, toi? Je me pose des questions sur mon prénom. Je vais peut-être le changer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ben, il va décliner. OK. Monsieur Patate et Madame Patente. Ça, c'était un couple au début qui était très aimant et aimante. Madame Patate, non, Monsieur Patate a dit à Madame Patente, il dit, veux-tu me marier? Là, Monsieur Patate, hein, il s'attendait de se faire éplucher, là. Ce milieu-là, tu sais, vous avez jamais été patate, vous, Madame? Non, hein? Moi non plus. Mais je m'imagine. Je m'imagine, là, la grosse crainte de M. Patate, c'est de se faire frire. Et monsieur, as-tu vu le postillon? Le postillon, hein? Ça, c'est une grosseur 3, ça, là. C'est comme les petits pois, comment? 3,5. OK. Au poids, c'est quoi? 2,5 livres, ça? On est toujours dans le... Ouais. Non, mais c'est parce qu'avec le demi, on peut peut-être aller dans le 4 ou dans le 3. Tu sais, ça nous donne une marge de manœuvre. La marge tient les marginaux sur la ligne, hein? Sur la ligne de tir. Ah ouais, là, c'est un marginal. Ah ouais, tire-moi ça. Ah ouais, ouais, ouais, attention, on y va. Bougez pas, on va vous tirer. Alors, M. Patate avait peur de ça, se faire tirer, lui-là, là. Là, Mme Patente a dit, mais là, je sais pas comment je vais te patenter ça. Hein, on n'a pas de friteuse encore, on n'a pas les moyens financiers. On est un nouveau couple. Comment on les appelle? Réunis, non? Désunis? Un couple refait. On est refait. De toutes pièces, par les miracles de la patate frite. Là, on voulait pas finir dans un sac, là, hein? C'est ça l'histoire. Madame Patente, elle dit, mais non, moi, de pas tenter quelque chose, moi, là, attends, finis pas de même, là. Dans une petite assiette. Ou dans un cornet en Belgique, lorsque vous mangez la patate. Pas dans du papier brun, c'est dans un beau cornet cartonné. La patate est digne, là. Et moi, je suis pas une patate, là, une patate au four, moi, je suis une patate belge. Là, la patate est presque arrangée avec la bière. Parce que quand tu en manges deux, trois, tu dis, ah ouais, une bonne petite bière, ce serait bon avec ça, hein? Pas de patate, pas de bière. Sinon, là, c'est comme il n'y a pas de concomitant, il n'y a pas d'union. Comme disait Yvon, les unions, qu'est-ce que ça donne quand tu es une patate au four? La bonne friture, là, qui te graisse les doigts, là. Oh, c'est merveilleux. Là, tu te pitonnes après, là, les numéros de téléphone, ça ne fonctionne plus. Ça prend 4-5 chiffres, là, t'appelles à Hong Kong. Là, tu dis, voyons donc, c'est Rita, t'as changé de dialecte. Il y a un monde où, hey, ça va monter, ça va chiffrer, ça, là. Je veux pas du pâté chinois, quoi, quand il n'y a pas de pâté chinois. Je veux pas de... comment t'appelles ça, la soupe? La spong kong-tang? Spong-tang-king? J'en veux pas de la soupe de même, moi. Avec la grosse pâte, là, c'est... Non, mais c'est bon. Mais là, ben, pour le moment, c'est de la patate, Madame Patate. Monsieur Patate. Puis là, Mme Patate, elle s'est amouracheuse de cette affaire-là. Tu sais, ça se promenait avec deux gros yeux, là, puis deux petits bras, puis deux petites pattes, puis là, je dis, je suis patate. Madame Patate, elle dit, ouais, moi, j'aime ça, des patates de même, là, mais elle avait une petite attirance à la patate, elle. Ah, oh, elle aimait bien ça, sa grosse patate, là, elle l'entretenait, là. Des fois, elle faisait bouillir un peu, là, mais non, faut que tu restes croustillant. Son mari devait rester croustillant. C'est une bonne idée. Non, mais moi, j'ai rien contre elle. Elle a tellement eu des bonnes idées pour ce mari-là. Oh! On lui donne 3 morceaux de robot, hein, Madame Patente. Monsieur Patate, laissez-vous frire. Nous vous dégusterons à point. Ah, c'est beau, ça? Oui. Si c'est un contre. c'est le père et Bouddha et Krishna et Allah dans un même dîner. C'est tout son gros sur le cœur, c'est pourquoi le meeting, c'est pourquoi le meeting. En effet, en ce jour de mille ans après Christ, force leur est d'avouer leur échec. Les humains sont méchants et la terre est cruelle, et la terre est cruelle. Je désire tout de suite prendre le crachoir du Bouddha, le gros tas dans un sursaut sans gloire. Pour ma part, ce ne sont ni les guerres ni les famines qui me prennent la tête. Non, ce serait plutôt la conception ratée à la base de l'humain, la sélection naturelle. Par exemple, le martyr, le pire qu'on puisse endurer, n'est-il pas avant tout la laideur chronique? La laideur chronique. Je pense à cette fille que j'ai vue à Macao, tellement moche et sans talent. À chaque fois qu'elle aimait, son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaillait l'intérieur. Son amour se serrait dedans elle comme un ulcère d'estomac qui lui tenaillait l'intérieur. L'intérieur. Allez hop! Un peu de sincérité. Le monde va pleurer. Je n'ai rien dit alors, toujours contradictoire. Je connais des obèses incapables de voir un frigidaire sans frémir d'angoisse, sans frémir d'angoisse. Honteux et défaitistes, ils traînent la nuit dans les salles à manger. Le jour rase les murs, ennemi des miroirs. Votre vue est sommaire et tant que Dieu le perd, savez-vous l'existence de ces familles devant lui qui passent leur jeunesse à gagner un salaire à peine suffisant pour payer cette maison horrible et cette pelouse affreuse? Et après maintenant de labeur fou, les enfants les quittent et plus jamais ne les aiment. Et plus jamais ne les aiment. Allez hop, un peu de sincérité. Le monde est à fleur. Je vois pire encore de scander Manitou, toujours en retard, répété à mort. Je vois le cortège des artistes ratés qui cherchent le tube à longueur de journée et se cachent la tête pour cette pauvre fille qui chantait des balades. Ah, cette pauvre fille pas trop belle qui chantait des balades. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Le meeting va montrer sa défoule, tout va bien, les yeux pleurent, tout leur souffle. L'acné, je vais nier les oreilles, décoller le parc, la fontaine, la retraite à 60 ans, l'amour décevant, les toilettes publiques et les rages dedans, les toilettes publiques et les rages dedans. On t'a tué Bouddha et Krishna et Allah, épuisé de l'effort, on veut voir pessimistes et regarde leur santé, regarde leur pied, regarde leur pied. Mais Dieu le Père, toujours jovial, serait saisi, j'ai ici, messieurs, en mon sac un petit cordial, dont vous me direz des nouvelles, loin. Bouddha s'illumine, il en a lui aussi. Le sac est coulé à flot. M'a dit toi, tu pas les Shiva, tu la chiche. Alors se motive. Et on vit dans le ciel, Dieu le Père et Bouddha, Manitou et Krishna, bras dessus, bras dessous. Il veut mort et joyeux chanter à tue-tête au-dessus des nuages. Allez hop, un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Sincérité. pour faire quoi, en fait, ces émissions de combien de temps? Ah, ben, moi, je divise ça sur plusieurs semaines, dépendant de l'entretien. D'accord. Et là, tu vois beaucoup de gens à Paris? 42. Oh, putain. Jusqu'à vendredi. Je m'en vais samedi. Que des comédiens? Non, non, des comédiens, des chanteurs, des artistes plasticiens, tout ce qui est dans la création. Ah, des dramaturges, écrivains, poètes. Putain, c'est bien. Ouais, oh oui, je suis pas fermé à un style, bien au contraire, je suis ouvert à tout. Donc, J'entends bien. Oui. Mais ça m'a surpris parce que on devait se rencontrer l'année dernière. Oui. Voilà. Mais pourquoi moi, en fait? Ben, parce que t'es dans ben, parce que t'es un comédien de 1. De 2, tu fais de l'impro. Ouais. De 3, t'es passé au Québec à quelques reprises. T'es aussi arbitre. Donc, ouais. Comme je te disais au départ, tu es le Yvon Ponton français. Et pourquoi pas toi? Oui, oui, non, non. Tout le monde m'arrive avec ça, pourquoi moi? Comme si c'est. Oh, mais c'est pas une chaise électrique, là. Non, non, pourquoi mais pourquoi moi? Pas, c'est pas dans ce sens-là. Ah, ouais. C'est au contraire, moi j'ai. C'est le paradoxe. Alors je sais pas si c'est tous les comédiens. Moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que. Il y a une pièce qui se prépare ou un film qui se prépare. Je dis, putain, pourquoi ils m'appellent pas? Et quand on m'appelle pour un casting, je me dis, mais. Pourquoi moi? Ouais. Enfin, surtout quand je l'ai ou je l'ai réussi, mais pourquoi? Et du coup, je me mets une espèce de pression en disant, mais. Et c'est un peu la question que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai beau avoir 30 ans de métier dans les pattes, que ce soit en théâtre ou en impro, j'ai acquis une certaine expérience, mais chaque fois je me dis, est-ce que je vais y arriver? Mm-hmm. Ah oui. Et ce doute-là, pour moi, c'est un des moteurs. Et c'est le vertige du comédien. Hein. Oui, puis c'est un moteur, c'est-à-dire que ça évite de se prendre au sérieux déjà, puis de se dire, j'y suis arrivé. Après, faut pas que le doute devienne de l'angoisse et que ça prenne le pas, mais moi j'aime bien les gens qui doutent. Oui, ben oui. J'aime les gens qui doutent. C'est beau aussi de voir qu'il y a certains doutes. Quand tu es trop sûr de toi, ben là, il n'y a plus rien. Non, c'est fini. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel? Oui. C'est compliqué ça. Un membre corporel. Les mains, je pense. Parce qu'on peut écrire, on peut caresser, on peut fumer, on peut bouger, on peut attraper les choses, on peut. Ouais, les mains. Si tu es un moment. Si tu étais un moment de la journée. Entre chien et loup. Ok. À la tombée du jour, la naissance du soir, juste à ce moment-là où il y a encore un peu de soleil, il n'y a pas encore la lune. J'aime bien ce balance, cet équilibre-là. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Je me suis souvent demandé ce que ça ferait ce que ça aurait été d'être dans la peau de Gandhi. Mm-hmm. Ce mec qui a. Et de marcher pieds nus, non? Ouais, entre autres. Pour la coupe de cheveux, j'ai déjà. Ah ouais, c'est bien parti. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais des gens comme ça. Oui, Gandhi, parce que. Envers et contre tout, enfin avec l'image que j'en ai moi maintenant, peut-être que c'est une image d'Épinal, mais qui a tenu face à la haine, face à la violence, face à l'intolérance, face aux barbares, qui a tenu avec la non-violence en permanence et son discours et ses actes. Ouais, Gandhi, pour sa philosophie, quoi. À choisir, parce que tu ferais le même chemin. Je crois pas, c'est pas dans ma nature. Je suis un sanguin. Je suis fondamentalement pacifiste. Je déteste la violence. Mais par moments, j'ai du mal à contrôler ça, quoi. Voilà, maintenant. Autre temps, autre mœurs, je sais pas. J'en sais rien. J'aurais aimé pouvoir avoir cette intelligence, cette évolution d'esprit, quoi, qu'il a eu, lui. Et toujours Gandhi, là. Gandhi, ouais. Et puis, à un autre niveau, ce qui va peut-être choquer, mais Scarface. OK. Al Pacino, la balle à feu. Oui, Al Pacino, c'est le remake. Ouais. Ah oui, la version 1932. Mais le personnage de Scarface, quoi. Cette espèce de personnage de latino qui est traité comme de la merde dans le pays où il arrive. Et. Le monde m'appartient. Et puis, voilà, après, il vient barge, machin et tout, ouais. Mais le monde appartient à tout le monde, quoi. Ouais. Pas plus à lui qu'aux autres, mais autant à lui qu'aux autres. Voilà, c'est ça. Ouais, ta place sur la mise à part la violence et tout ça, encore une fois, j'aime aussi la philosophie et sa façon de voir les choses. Il n'y a pas de raison que le monde ne m'appartienne pas aussi, quoi. Mm-hmm, bien oui, prendre sa place sur la terre. Voilà. Parce que je ne sais plus qui a dit, je ne vais pas trahir le truc. Je ne sais plus qui l'a dit, mais on n'a pas donné la liberté à l'homme, c'est l'homme qui l'a prise, quoi. Ouais. C'est vrai que personne te donne les choses, faut que tu les prennes. Après, on peut prendre de façon plus ou moins gracieuse, élégante. Mais il n'y a rien de donné, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu du mal. Il n'y a rien d'acquis. Rien n'est jamais acquis à l'homme. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que j'ai un peu du mal à croire à des divinités monothéistes. Je ne suis pas très monothéiste, globalement. Le bouddhisme m'intéresse plus dans sa philosophie. Avec le contre-coup qui est le côté karma, comme ça. Si aujourd'hui j'en suis, c'est parce que machin. Ouais, au Cambodge, je suis parti donc avec Tavernier faire Olivier là. On est resté 5 semaines, donc j'ai rencontré pas mal de gens là-bas. Cette philosophie leur fait du mal beaucoup parce qu'ils subissent en se disant voilà, c'est normal. Et pendant ce temps, les politiques se gavent et l'OMC s'en fout plein les poches. Ouais, Mais je suis plus attiré par le bouddhisme et par l'animisme. Okay. Que par les religions monothéistes, ouais. C'est où? Je crois que c'est au Brésil, en Amazonie. Je ne saurais pas dire de bêtises, il me semble. J'avais vu ça il y a 3-4 ans. Il y a une petite tribu qui est perdue dans la forêt. Dans cette tribu, il n'y a pas de prison. Il n'y a pas de peine de mort, il n'y a rien de tout ça. Si quelqu'un fait un délit, un petit délit, hein. Enfin, je vais te voler ton sac. Okay. On va m'exiler pendant 15 jours dans la forêt. Si c'est un délit un peu plus gros, sans parler de meurtre, hein, bien évidemment. Ça va être un mois. Au bout d'un mois, on va me faire revenir. Et là, le village va me chatouiller. Et quand je vais rire... Eh ben, ça prouve que je suis sociable à nouveau. Ok, je suis redevenu. Je suis redevenu sociable et humain. C'est une philosophie extraordinaire. Ouais. Et on est loin de tout ça. Oui, oui. Ouais. Quand tu dis ça, ouais, c'est un peu l'image d'Épinal, quoi. C'est ça, mais je trouve ça magnifique, quoi. Folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was the low-down hoochie-coocher. She was the roughest and the toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Loup fait, ou les à ce peur, ouvrez la fenêtre, gave her $1 million and nickels and dimes. She sat around and counted them a million times. Adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, adi, Laita solo o lakitao. Laita solo o lakitao. Ilia o to isa. Ilia o to isa. Ole ole. Ole ole. Ole ole ole. Ole ole ole. Hee hee. Go ahead. They sent for Minnie where they put the crazies. Now for old Mindy's pushing up the daisies. This ends the story and it ends my song. She was just an old girl, but they don't. Louise, ma terre promise, promise au pire, promise au martyr. Non, non, tu es un miracle, car tu sais bien que les crabes peuvent être bleus, des cernes oranges autour des yeux. Striée de larmes rouges pimentées, elle s'assèche comme brûle le papier. On s'endurcit ou on se tanne, mais les yeux jamais ne se fanent. Les yeux du cœur, mon amour, sont dangereux. Car au vague à l'âme, tu surfes sur ton ennemi, sur ton ennui. Et surtout, n'oublie jamais de dire merci. Merci. Louise, ma terre promise, promise au pire, promise au martyr. Non, non, tu es un miracle, car tu sais bien que les crabes peuvent être bleus, des cernes oranges autour des yeux. Dans ton nom, il y a oui. Dans ton nom, il y a la vie. T'es dans la mouise, Louise, les pieds dans la merde et la tête dans les étoiles. Dommage pour les ombres chinoises. Plus de regard étonné sur une femme découpée. Y'a plus que toi pour te chercher des noises. Et taise-les tous quand ils te disent naze. Dégage, prends la poudre des scampettes. Et méfie-toi de certains voyages. Ce ne sont que des mirages, de la chaleur qui se propage et sent le sang à tous les étages. Mets du gaz, ouvre en grand, toi qui es sage face à la rage. Louise, ma terre promise, promise au pire, promise au martyr. Non, non, tu es un miracle, car tu sais bien que les crabes peuvent être bleus, des cernes oranges autour des yeux. Des cernes oranges autour des yeux. Des cernes oranges autour des yeux. Thank you. les peines d'amour, les plaies qui arrêtent pas de saigner. I know you. I got Ray-Ban vision. These ain't no prescription. I see you haters coming, nigga. Don't think that I'm slipping. I got Ray-Ban vision. I wear 'em when I'm whipping. I wear 'em when I'm fucking. All my women think I'm tripping. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. This is how I'm living. The only time I look you in the eye if we doing business. I got Ray-Ban vision. My bitches think they prescription. I'm looking fly as fuck, like a GQ subscription. You can't see behind them, but niggas know that I'm quitting. Cause I'm gone on top of diesel, that's sour as a lemon. Lemon, no, no, nigga, no, this ain't no Gucci shit. Wear them with my Louis shit, and I got a groupie bitch. She wear them with her poochie shit, and she swear that I'm stupid rich. Cause I got all these Ray-Ban flavors, but I favor my all black Dark Vaders. I rock them when I'm blocking haters and something tailored. Yes, I'm looking dapper if you are inquiring, but don't ask me where I get them when you pay. You acquire things. I spend high notes like a high school choir sings to have them admiring, thinking that their style is defiring. Damn, I ain't mean to get you fired on some fresh shit, but my collection's quite impressive. I got Ray-Ban vision. These ain't no prescription. I see you haters coming, nigga. Don't think that I'm slipping. I got Ray-Ban vision. I wear 'em when I'm with it. I wear 'em when I'm fucking. All my women think I'm tripping. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. This is how I'm living. The only time I look you in the eye, if we do it business, I got Ray-Ban vision. P-I-L-L in the building. Yeah. Maybach music. I got my black shades on, Ray-Ban on the side. It's in the Batcave, homes, Bruce Wayne when I ride. To those who rob it, you know I got the carbon. 15 like half or 30, leave them slobbing. No need to brag, but my black shades fresher. Harder than an all-marble dresser. Yes, sir, I am the professor, the teacher of all cool shit. Bitches like he look like somebody I went to school with. Lenses, blacked out, Benz at the crack house. And everybody keep trying to buy it like Shack House. Okay then, put my foot up in this outfit. Them Ray-Bans is something I gotta leave the house with. Yeah. These ain't no prescription. I see you haters coming, nigga. Don't think that I'm slipping. I got Ray-Ban vision. I wear 'em when I'm whipping. I wear 'em when I'm fucking. All my women think I'm tripping. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. I got Ray-Ban vision. This is how I'm living. The only time I look you in the eye, if we doing business. I got Ray-Ban vision. Kicking like I heard a Marchinacci. I get hand-me-down shirt from Liberace. You kiss bitches that's into Bukkake. I'm a modern-day pharaoh, yeah. With bow and arrows, yeah. That shoots barrels and I treat six barrels, yeah. We hear your song one time again like Christmas carol, yeah. I fuck bitches out of American apparel, yeah. So they hit me to skeet skeet and get drugged out. In your week got seats like a major league dugout, yeah. Smoke two blunts, drunk on that blue ribbon. Now she call a cab and her fucking panties missing. When she hit the door, yeah, no, it's no kissing. Never see me again, I got Ray-Ban vision. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent pour toi éventuellement? Est-ce que t'es dans des projets? Est-ce que tu favorises aussi le boulot? Est-ce que... Ah oui, je l'appelle, oui. Ok. Je l'appelle et puis... Depuis que je suis à Paris, je rencontre plein de gens, j'envoie des CV, des annonces, je réactive mon réseau parisien. Pour dire que j'avais là, en disant maintenant je suis là. Je suis à Lyon là. Voilà. C'est ça. Voilà. Et à Lyon, je leur dis, mais je peux encore descendre. Hein. Oh, oui, c'est ça. Voilà. Oui, non, je mets les choses en chantier. Et puis petit à petit, ça. Les choses qui reviennent. Quoi. Et tu sens que. Ça accroche. Ok. Mmh. Donc t'es positif. Bah oui, sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté ce métier. Oui, oui, ça, oui. C'est... Oui, positif, oui. À long terme, est-ce que tu te vois quelque part d'ici 20 ans, surtout dans ton état de comédien, est-ce que tu veux poursuivre? Ah ben oui, de toute façon, c'est pas un métier que tu arrêtes comme ça, pour plein de raisons, et notamment de façon très pragmatique, la retraite des comédiens, c'est tellement faible. Que même à 70 ans, tu es obligé de continuer à bosser parce que ben, sinon. Dreyfus le fait encore. Hein? Ouais, et puis plein de gens. Oh, oui. Mon cousin à 70 ans, là, il continue à jouer parce que sinon. Il n'y a pas de retraite. Si, il a quoi? Il a 1000 euros de retraite. C'est vrai. Donc il a bossé toute sa vie, bref. Ben, chez nous, c'est à peu près ça aussi. Ben oui, ça. Ouais. J'ai du mal à me projeter dans 20 ans, moi. En tout cas, je ne me vois pas à Paris encore dans 10 ans, quoi. Ok. Et même avec ma copine, on a envie de. Petite maison au bord de la mer. pense peut-être. Au Saguenay-la-Saint-Jean, tu sais. Au Saguenay. Peut-être, ou peut-être plutôt en Provence. Ah oh, oui, ok, ça c'est plus européen. Quoi. Ouais. Voilà, non, je sais pas, j'ai du mal à me projeter dans 20 ans. Moi. Alors, tu es dans le moment présent. Ouais, mais ici et maintenant, ouais, ça a toujours été ma. Enfin, toujours. Ouais. De plus en plus. Oui, bah de toute façon, c'est de plus en plus dur de faire des projets là maintenant, dans cette putain d'époque. Tu sais pas de quoi va être fait la météo. Tu sais pas. Bah, je sais pas, c'est vachement dur de. Moi, j'arrive pas à me projeter même dans 2 ans, quoi. J'ai des envies, des désirs. J'essaie de faire en sorte qu'ils puissent se réaliser. On a des projets avec Madouce, mais voilà, des envies, on va dire, plus que des projets. Mais tu n'as pas vraiment répondu à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Ah oui, oui. Ok. Oui, oui. Alors après, il y a des choix que j'ai fait, je ferais peut-être pas les mêmes dans ce métier. On m'a proposé, par exemple, il y a 20 ans, j'ai travaillé sur un spectacle mis en scène par Patrick Timsit. Mm-hmm. C'était à Avignon, en 92. Très bien ce que ça me fait. Ouais. Très bien. À Québec, il est vraiment apprécié. Ah ben en France aussi. Et là, il mettait en scène un spectacle dans lequel je jouais et qui a plutôt bien marché. Puis on était très copains. Il m'a dit, mais tu dois venir à Paris. J'ai dit, mais je travaille à Lyon, j'ai du boulot. Et il y a 20 ans, j'avais aucune envie de venir à Paris. Et là, je me dis peut-être que, voilà, peut-être si j'étais venu il y a 20 ans, en plus, comme il y avait un bon feeling entre nous, peut-être qu'il m'aurait filé des coups de main. Est-ce que tu lui as dit que tu étais revenu à Paris? Oui, oui, je lui ai dit, mais maintenant, il répond plus au téléphone. Non, ok. Voilà, entre temps, il a, tu vois, il a décollé lui. Oui, oh, puis, ben oui, ben oui. Mais je le croise demain dans la rue, il va me serrer dans les bras, ben oui, comme ben si ben on ne ben t'était ben pas oui. quitté oh, la veille, tu vois, c'est pas le problème. Sauf qu'il doit être hyper sollicité aussi, réalité, puis une autre réalité. Mais voilà, ce genre de choix, je me dis, bah voilà, peut-être. Mais en même temps, je regrette pas de ne pas l'avoir fait parce que on venait de monter la Ligue d'impro à Lyon, donc okay. Si j'étais venu à Paris en 92, voilà, et elle aurait pas existé. Non pas que je sois irremplaçable, mais j'étais quand même le moteur. Le pilier, ouais. Avec des gens comme Richard Perret, Elsa Perrucchietti, Véronique Joly. Puis d'autres gens que tu connais peut-être pas, qui ont arrêté l'impro ou qui. Voilà. Donc non, fondamentalement, je ne regrette pas. J'ai refusé aussi dans les années 81, 82, je sais plus. Un premier rôle. À la Comédie de Lorraine, qui est un centre dramatique national pour la jeunesse. Le mec m'avait vu sur Georges Dandin, okay. En tournée. Il m'appelle, donc je suis monté à Nancy pour le rencontrer. Et finalement, j'ai dit non parce que je venais de rencontrer des copains avec qui on montait une troupe dans un village de 150 habitants. Et le mec, il est halluciné. Il me dit, vous refusez un premier rôle dans un centre dramatique national? Parce que vous venez de monter une troupe dans un village de 150 habitants. Je dis bah oui, c'est peut-être un mauvais choix, mais je me suis engagé, donc je vais jusqu'au bout. Quoi. Et je suis content de l'avoir fait aussi. Donc voilà. Je pense que si j'avais. Bifurqué. Ouais, si j'étais allé dans le CDN, j'aurais peut-être enchaîné après dans ce qu'on appelle le théâtre subventionné en France, de CDN en CDN. Mais j'aurais pas eu les pieds autant dans la réalité que je l'ai maintenant. Alors t'aimes le risque? Et ton côté comédien. Mesuré. C'est-à-dire que. Oui, faut bouffer quoi, mais j'aime. J'aime les challenges. J'aime les enjeux. J'aime. C'est pas un métier que tu peux faire avec des pantoufles. C'est pas possible. Et il y a des fonctionnaires du théâtre comme il y a des fonctionnaires. Et j'aurais surtout pas voulu devenir ça. Quoi. Alors tu es rentré. Conservatoire, c'est pas vraiment ta spécialité, c'est pas ce que tu cherches. Conservatoire. J'aime pas l'école, okay. En règle générale. Non, je suis pas très scolaire. Après, il y a de très bons profs dans les conservatoires, dans les écoles de théâtre. Mais je suis pas très scolaire. Ça me saoule. C'est sur le terrain que j'aime apprendre. Abordes-tu beaucoup plus le rôle en tant que, un peu comme l'acteur studio, c'est-à-dire tu deviens le personnage et... Ça dépend des rôles et puis, je sais plus qui disait, les personnages n'ont pas de peau. Rentrer dans la peau du personnage, ça veut pas dire grand-chose. Parce qu'un personnage, c'est un texte, par exemple. Par contre, t'ouvrir toi pour que le personnage qui est en toi puisse s'exprimer, parce que on est tous plus que schizophrènes, on a tous les personnages en nous. Oui. Tous. Après socialement et puis intellectuellement, on développe celui-là plutôt qu'un autre dans notre vie de tous les jours, je veux dire. Mais je suis autant curé que serial killer en moi. Oui. Sauf que dans la vie, je suis ni l'un ni l'autre. Mais si j'ai à jouer un curé ou un serial killer, ou un curé serial killer, a fortiori, je sais dans quoi je vais pouvoir aller. Dans quelle zone pêcher. Voilà. Donc c'est arriver à t'oublier toi pour que le personnage puisse s'exprimer. Et plus tu joues des personnages qui sont proches de toi, plus c'est difficile parce que tu sais plus où est la frontière entre toi et le personnage. Et là, tu peux vraiment devenir schizophrène si tu ne fais pas gaffe. Ou cinglé. Oui, c'est un peu pareil. Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est arriver à s'oublier, quoi. Arriver à... Pour laisser la place à l'énergie, à... Un personnage. Au personnage, mais même en impro, quoi. Plus on réfléchit, moins on improvise. Et c'est bien de rentrer le plus vierge possible pour attraper les choses qui arrivent. Ouais. Il y a trop d'acteurs qui veulent être plus intelligents que leur personnage, ou plus intelligents que l'auteur. C'est-à-dire que les mecs réinventent Molière ou réinventent Shakespeare ou Tennessee Williams. Non, déjà, essaye de comprendre ce qu'ils racontent. Et puis après, il y a un grand manque d'humilité dans ce métier. Mais qui est dû aussi, c'est pas une critique, c'est une façon de se rassurer. C'est de dire, voilà, je sais qui est Molière, je peux le jouer parce que j'ai compris. Moi, je sais pas qui il est. Puis d'une pièce à l'autre, ça change. Et puis, j'ai revu L'Avare à la télé l'autre fois avec De Funès. Ouais. Je suis fan de De Funès. Et c'est pas la meilleure mise en scène de L'Avare, mais putain, il m'a fait redécouvrir Harpagon. Et j'ai vu Denis Podalydès il y a 6 mois dans L'Avare, version comédie française. C'est une autre lecture de Harpagon, et pourtant c'est le même texte. Mais les deux sont aussi justes l'un que l'autre, et ils sont aussi authentiques, avec deux codes de jeu complètement différents, quoi. Je trouve ça magique. C'est pas une façon standard de jouer Molière, machin. Et en même temps, c'est un respect de l'auteur, quoi. C'est pas... C'est pas tirer l'auteur vers soi, mais c'est se mettre au service de... C'est comme sur un match, c'est comme sur une impro. C'est pas cabotiner, c'est pas tirer l'impro vers soi, c'est se mettre au service d'une histoire qu'on raconte. Qu'est-ce qu'on raconte? C'est quoi le propos? Qu'est-ce que tu me racontes là dans ton histoire? Ah, j'ai mis ça parce que... Non, ça s'est envolé. Ça s'envolait, c'est pour ça. Ben Philippe, merci d'être passé à mon émission. Plaisante. Et on se retrouve à Québec... En improvisation? Faut que tu me fasses passer ton mail et tout ça. Oui, tout est là. Je vais noter. Voilà. Bah, très bien. Donc, comme on dit, j'aime bien dire et redire, à la revoyure. Errance renaldienne. Oui, à la revoyure. À la revoyure. Vraiment. Puis merci parce qu'on a tenté. L'année dernière, ça n'a pas fonctionné parce que tu étais à Lyon. Et il y a 2 ans non plus parce que tu préparais quelque chose. Donc, je sais où j'étais, oui. Oui, mais là, aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Même, on devait se rencontrer hier, mais il y a eu comme un quiproquo, en tout cas un problème technique. Oui. Et nous voilà maintenant. Très très tôt le matin, mais quand même. Non, mais ça va, c'est oui. Bien. Oui, hey, merci. Salut. Start calling, you start crying. over, I'm inside you. I can't find you, the girl that I once had. But the sex that we have isn't half bad. Text say that it's not fair. That's Cobo, he's not here. And I'ma flirt with this new girl, and I'ma call if it don't work. So we fuck till it comes to conclusions. All the things that we thought we were losing. I'm a ghost and you know this. That's why we broke up in the first place. Cause I want you to know that I'm ready to go. Heartbeat, my heartbeat. I know that you heard me, but you don't want the same thing. Well, two can play that game. So I'm chilling with my girlfriend, but she not my real girlfriend. She got a key to my place, but she not my real girlfriend. Stupid, so dummy. Say the wrong thing and wrong girls come running. I'm paranoid that these girls want something from me, and it's hard to make a dime go 100. And my dude freaking out over a worse fate. She on time, but she late for their first date. Cause he went and tried out a new condom, flipped off in a threesome. Good problems, right, wrong. Asking them if she wanna play games. We the Super Smash Brothers, but none of them you. I miss the sex when you kiss whenever you're through. 69 is the only dinner for two. I was wrong, but would you have listened to you? You were crazy. I got a heart, but the artichoke is only thing girls want when you in that smoking like. I want you to know that I'm ready to go. Heartbeat, my heartbeat. I want you to know whenever you are around. Can't speak, I can't speak. But your dude is a real dick. I read his posts on your wall and I feel sick. He ain't cool, he ballin' all that, but he just a fake nigga who bloggin' all cats. You couldn't wait today. I'm going straight for your thighs like the cake you ate. I give a fuck about the niggas that you say you ate. You know that I'm the best when I'm a fake Janae. I'm the best that you had, face it. Jay and Keisha are related, racist. I give you money that you burning that you made off. She ain't a killer, but she fucking blow your head off. I know he wondering what the fuck you hiding. That we dated like rats about Bin Laden. Hey yo, fuck. Are we dating? Are we fucking? Are we best friends? Are we something in between that? I wish we never fucked, and I mean that. But not really. You say the nastiest shit in bed, and it's fucking awesome. Michel Jami, si je vous ai bien compris. Vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.